Chapitre 9e. Je garai la voiture derrière la bâtisse pour entrer plus discrètement par la porte à l'abri des regards, sans perdre de temps. Je sortis de la maison en fauteuil roulant et j'y installai Josie, molle comme une poupée de chiffon. Puis je la conduisis dans la chambre et je réussis à la hisser sur le lit où je l'étendis sur le dos. Je la déshabillai immédiatement et contemplai son jeune corps. Les petits seins aux jeunes mamelons gonflés pointaient vers le ciel comme une offrande. J'y attardai mon regard avec un certain ravissement. Je remarquai également qu'elle avait un système pileux très peu développé, presque rien sous les bras et juste une petite touffe sur le pubis. Soudain, mon admiration fut remplacée par un énorme affolement. La poitrine de Josie ne se soulevait pas. Oh putain ! Aussitôt, je pratiquai le bouche-à-bouche entrecoupé de massages cardiaques tout en sanglotant d'angoisse. « Josie, mon petit, réveille-toi. Allez, respire, respire, nom de Dieu !» Je giflai doucement Josie, puis la secouai comme un sac de noix. « Allez, rien, déconne pas, tu vas pas me faire ça toi aussi !» J'éclatai en sanglots et me lamentai autant sur le sort de la pauvre Josie que sur l'immense détresse qui venait de noircir lui que au moins une soirée qui s'annonçait si belle. Impensable d'appeler du secours, de toute façon, le corps de Josie commençait déjà à refroidir. Je pris les mains de la gamine et les serrai dans les miennes comme si la chaleur pouvait les ramener à la vie. Puis, à la panique et au chagrin, succéda l'abattement. Pendant un moment, je ne pensais à rien, sous ce coup du sort qui venait de me frapper encore une fois. Je restai au bord du lit, les yeux fixés sur les carrelages de ciment à motif. C'était peut-être un cauchemar dont j'allais me réveiller. Mais non, Josie était toujours là, à mes côtés, étendue comme un gisant de marbre. Alors une immense colère me submergea. Pas besoin de réfléchir longtemps pour comprendre. J'avais cette fois divisé la dose par deux alors que Josie était bien plus grande que Marie. Une soudaine intuition me fit bondir dans la salle de bain. Il restait le flacon vide des premières scènes. Je m'en saisis et comparai l'étiquette avec celle du flacon que j'avais utilisé en fin d'après-midi. Sur la première, entre autres ingrédients, je relevais le mot « benzodiazépine » associé à d'autres produits. Sur la seconde, ce mot ne figurait pas, mais l'un d'eux me fit bondir « Cura ». Putain, mais c'est un poison, ça ! C'est donc à cause de ce fumier d'Anatole que Marie était morte et que Josie se raidissait sur son lit. Ah, le con ! Il s'était méchamment gouré sur les produits qu'il m'avait refilés, l'Anatole. Il bossait à côté du bloc opératoire, à l'hosto, mais en fait, il n'y connaissait que dalle, ce taré. Pour les premières filles, tout avait été parfait. Je piquais le bouchon en plastique d'une bouteille de jus de fruits et j'injectais la dose nécessaire. Je prenais soin de reboucher le petit trou avec une goutte de cire dont j'enlevais ensuite l'excédent. Je repérais la bouteille frelatée en arrachant une toute petite partie de l'étiquette. Peu importait la quantité bue, une ou deux bonnes gorgées suffisait. Puis, il ne me restait plus qu'à faire accepter à la fille de partager un jus de fruits bien inoffensif. Pas question de faire boire de l'alcool à une jeune fille, non. Un bon nectar de fruits d'une marque réputée que la proie débouchait elle-même et on trinquait à la jeunesse et à la vie saine. Après, il suffisait d'attendre plus ou moins longtemps, en la saoulant de paroles. Mais ce connard d'Anatole m'avait désormais refilé un autre produit, une saloperie mortelle qui ne devait très certainement s'utiliser que sous contrôle médical. Tu vas voir, c'est beaucoup plus rapide. Pique la gonzesse juste un peu et le temps qu'elle comprenne ce qui lui arrive, elle est déjà partie dans le monde des rêves. Le monde des rêves, fan de pute, va. C'est dans l'au-delà, oui, que les filles étaient parties. Oh, mais tu me le paieras, fumier. J'écraserai ta sale gueule. Quel gâchis. Bon, en attendant, qu'est-ce que je vais faire de toi, ma beauté ? Dis-je à haute voix, en jetant un regard triste sur Josie. Je me résolus à terminer ce qui devait être un moment bleu, mais qui n'était plus maintenant qu'une toilette des morts. Après un massage complet du corps au lait parfumé, je revêtis à contre-cœur Josie des vêtements préparés. Un petit soutien-gorge pigeonnant, une culotte en dentelle et surtout une robe en vichy bleu et jupon gonflant. Je peinais, car il n'y a rien de plus lourd qu'un corps mort. La coiffure en queue de cheval fut aussi un moment pénible. Comme si elle faisait exprès, Josie glissait sans cesse et je devais sans arrêt la redresser. Va-t'en faire une queue de cheval avec une seule main. Tu es quand même bien belle, ma fille. Aussi jolie que bébé. Dis-je en soufflant comme ma phoque. Mais où est-ce que je vais te mettre maintenant? Je ne vais tout de même pas te garder ici. J'installai péniblement Josie sur le fauteuil roulant et à petite vitesse pour éviter qu'elle ne tombât. Je la conduisis à l'arrière de mon véhicule dont j'ouvris le hayon arrière. J'étalai une couverture d'une propreté douteuse sur le plancher. « Là, tu seras mieux. Il n'est pas question que tu me tombes sur le volant. Ça ferait deux cadavres au lieu d'un. » La nuit était bien noire, sans lune, suffisamment épaisse pour que l'on ne distinguât rien en dehors du faisceau des phares. Je n'allais pas bien loin. Avisant un gros cyprès en bordure de route, j'éteignis mes lumières et stoppai le véhicule juste devant, me repérant à la masse plus sombre du tronc. Avec force hâlement, j'installai Josie assise contre le tronc de l'arbre en espérant qu'elle resterait dans cette position sans basculer sur le côté. Puis je l'embrassai une dernière fois sur le front en guise d'adieu et hors d'haleine remontai dans mon véhicule. 3 mètres plus loin, je rallumai mes phares et mes petites lumières à l'arrière du véhicule s'enfoncèrent dans la nuit. J'allais cuver mon chagrin et ma colère. Comme prévu, Volpi et Michaud se rendirent ensuite chez Madame Mazel, la tante de la petite disparue. Depuis la ferme des Ginoux, il y avait moins de 2 kilomètres pour rejoindre son domicile. Dès que la voiture s'arrêta devant le portail du modeste pavillon, une femme d'une 60aine d'années, en blouse à fleurs et charentaise, surgit sur le seuil. Visiblement, elle n'avait même pas pris la peine de se coiffer, tant l'angoisse devait la ronger. « Vous êtes la police ? » demanda-t-elle essoufflée. « Vous l'avez trouvée ? » ?»« Non, pas pour l'instant. Vous êtes Madame Mazel ?»« Et bien sûr que je suis Madame Mazel. Où est la petite ? » ?»« Oh, pétard, je me fais un sang d'encre. » »« Avec l'autre, qu'on a trouvé à la coquillade, vous ne voulez pas faire du mauvais sang, vous ?» Alors que les deux policiers essayaient de calmer la tante, le téléphone sonna dans la 403. Michaud se dépêcha d'aller répondre. Madame Mazel s'approchait déjà quand Michaud fit signe à Volpi d'écarter la dame et de la retenir. Puis il raccrocha et se retourna vers la maison. « Alors, c'était pour ma nièce ? Dites-moi, fan de pétan !»« Oui, on l'a retrouvée. »« Où ? Comment elle est ?» s'énerva la tante. « Je ne sais pas, » mentit Michaud. « Nous allons voir et puis nous reviendrons vous dire. » Bien que Michaud n'ait rien dit, Volpi avait évidemment compris le sort de la petite Josie. « Alors, elle est morte comment, celle-là ? » ?»« On l'a trouvée assise contre un arbre, au bord de la route, » répondit Michaud. « C'est un gars qui comptait la draguer qui s'est aperçu qu'il parlait à une morte. »« Ouais, là, en principe, ça te coupe la chic. »« Tu sais où tu vas, là ? T'inquiète, ce n'est pas bien loin. »« Porca miseria. »« Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, moi ? » ?»« Tu vas voir que le juge va me coller cette affaire-là aussi sur le dos, comme si je n'en avais pas assez. » On n'a pas le plus petit embryon de piste sur les autres affaires, que déjà ils nous en tombent une nouvelle sur le coin de la gueule. Il est grand temps qu'on aille faire autre chose, Serge. À ce régime-là, on ne tiendra pas longtemps, je te le dis. Pense à Gilda. Pense à la mer avec les bateaux qui se balancent dessus. Pense à... Putain, tu mangerais pas des pieds paquets, toi, non ? Ou alors des huîtres, ouais, des huîtres. Mais pas celles de Thau, des marraines d'Oléron. Ok, mais attends qu'on ait vu la petite, au moins.